Regain. Aujourd'hui, nous allons chez l'officier d'état civil choisir la date de notre mariage. Son étude est située dans la vieille ville. Charlotte dans sa poussette, Thomas dans mon juron, mon futur à mes côtés, mon passé enterré, procédons à la publication des bans. Une noce fin août serait parfaite. Au château d'Aigle, que rêver de mieux ? Hélas, madame, hélas, nous dit le responsable. Une union en août, n'y comptez pas. Divorcé en avril, il vous faut attendre les 9 mois réglementaires avant de remettre le couvert. C'est la loi. Sans compter que même en déplaçant la date, vous devrez demander une dérogation à monsieur le juge afin d'éviter les tracas administratifs d'une reconnaissance en paternité. Pour nous remettre de notre déception et envisager la suite, Jeannot m'invite à boire un café sur la place du marché. Nous venons nous asseoir quand il lève les yeux et dit « Bonjour papa !» comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Alors que je sais qu'un désaccord brouille les deux hommes depuis plusieurs années. C'est pourtant bien son père, Paul, qui se tient là. Sa femme, Irène, venant le rejoindre, je fais la connaissance de mes futurs beaux-parents le jour même où nous voulions programmer notre mariage. Quel joli présage! Au vu des promesses d'avenir de la nouvelle génération qui chante dans sa poussette, la maison tente est oubliée. Le dialogue reprend. Il ne s'interrompra plus. Quelques semaines plus tard, au tribunal, coincé entre ex-époux et époux en devenir, je souris malicieusement pendant que le premier réfute sa paternité d'une grimace et que le second l'endosse avec enthousiasme. L'absurdité du besoin pathétique de notre société à vouloir absolument tout légiférer, y compris la vie, me traverse l'esprit. Très fugitivement, tant monsieur le juge devant le bonheur évident des futurs parents cache mal sa satisfaction. Comme dirait Georges Brassens, il y a délinquants plus emmerdants. Qu'il est radieux en ce mois d'octobre, le vendredi 13 de nos épousailles. La petite Charlotte explore à 4 pattes la salle des mariages du château, tandis que le pétabosson, c'est comme ça qu'on appelle un officier d'état civil dans le canton de Vaud, me tente un beau bouquet offert par la commune en échange de nos signatures en bas du gros bouquin. Je vous déclare, blablabla, vous pouvez embrasser la mariée. Enfin, si vous y arrivez. Enceinte de 8 mois, elle est plutôt ronde, la mariée, dans sa robe d'espérance. Doublement rayonnante de cet éclat qui sied si bien aux jeunes mariés comme aux futures mamans. Qu'il est beau, mon époux, sourire éclatant qui concurrence la blancheur de sa chemise. Ses 2 bras ne sont pas assez longs pour nous enlacer, son fils et moi, son fils dans moi, pour ce baiser d'hymen, ce qui nous fait rire aux éclats, bien sûr. En sortant, je projette, riant toujours, mon énorme ventre sous les applaudissements et les poignées de riz de l'assemblée. Nous nous casons tant bien que mal dans le minibus, entre les fleurs, les assiettes, la poire, le fromage, avant de partir rejoindre le refuge loué pour l'occasion. Hier, nous sommes allés le décorer de 10 aines de ballons irisés et d'autant de bougies, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Au menu, fondue au fromage, cuite au gaz, fruits et petits fours. Sont conviés les frères et sœurs avec leurs enfants, parents et grands-parents dans une chaleureuse intimité. La fondue est excellente, comme de bien entendu, et après les agapes, les anciens esquissent un petit tango pendant que les plus jeunes font sauter les ballons. Enfin, la fatigue ayant raison de la majorité, il est temps de balayer et de fermer la porte. Plus tard, dans la nuit, après avoir ramené chacun chez soi et pris le chemin du retour, nous restons main dans la main, mon mari et moi, savourant le plaisir d'être ensemble. Beaucoup de cartons sont déjà prêts. Dans quelques jours, nous emménageons à La Forclaz. Notre nouvelle vie va commencer.